Nul ne peut rester insensible en ce grand jour où l'on fête celle qui s'est sacrifiée pour le bonheur de ses enfants. Le premier mot qui sort de la bouche et qui signifie amour, c'est « Mama ». Maman, tu m'as couvée durant 9 mois. Maman, tu as beaucoup souffert pour moi. Maman, tu es toujours là pour me conseiller dans mes problèmes journaliers. Maman, tu es le premier mot que j'ai prononcé, maman, parce que ce mot signifie aimer. Maman, de loin et de près, tu mérites d'être louée. Maman, chaque jour devrait être ta célébration, puisque tu occupes un rôle majeur dans notre création. Maman, comment puis-je te remercier pour tout ce que tu m'as donné? Maman, c'est une dette éternelle que j'apporterai jusqu'au ciel. Maman, en ce jour de ta fête, je ne fais que courber la tête humblement, pieusement pour te dire bonne fête.